Alors, ce concept judéo-chrétien de l'ange gardien, là, en 1986, ça donne quoi? La pensée, qu'est-ce que c'est? La pensée, on en entend parler souvent, hein, mais on ne la voit jamais. Le vent aussi. Le vent aussi. Alors, les anges gardiens, c'est un peu la même chose. Ce n'est pas parce qu'on en entend parler et qu'on n'en voit pas qu'effectivement, ça veut dire que ça n'existe pas. Les personnes que lorsqu'ils sont vivantes, ils entendent souvent parler de la mort. N'est-ce pas? Ça existe quand même. Et celui qui est mort, ben, c'est lui qui l'expérimente. Celui qui est vivant, il n'expérimente pas la mort. Alors, il faut faire attention avec certaines choses qui peuvent, à un moment donné, nous puer au nez ou nous paraître très suspects. Comme lorsque l'on parle du concept de Dieu, lorsque l'on parle du concept de Lucifer ou du concept de la création du monde. C'est judéo-chrétien aussi, la Genèse. Ben, il a bien fallu qu'il existe quelque chose à un moment donné ou qu'il y ait une apparition de l'homme. Est-ce que l'homme descend du singe? Est-ce que le singe descend de l'arbre? Ça reste à voir. Alors, premièrement, faut la question qui peut être intéressante, c'est... Je vais t'interviewer 5 secondes. Est-ce que toi, tu crois aux anges gardiens? Moi, j'en ai ma définition. En tout cas, j'en ai ma définition. Je suis forcé d'admettre qu'il y a en arrière-plan quelque chose qui veille au grain, en quelque sorte. Je vais dire oui. Bon. C'est un oui ajusté. Je veux dire que on est beaucoup intéressé aux mystères, aux miracles, etc. Mais si vous voulez en voir un mystère, vous avez juste à me regarder. Ça fait 28 ans que je suis condamné par la médecine. Et je suis toujours là pour leur faire des pieds de nez. Et vous? Donc, il faut croire qu'il y a quelque chose, une force qui veille au grain, comme je dis. Exactement. Bon. Donc, il y a des anges gardiens autres que les belles-mères. Heureusement pour nous. Le terme ange gardien, évidemment, est un terme qui, dans une étape particulière de la conscientisation, est un terme qui répulse, qui fait un peu peur, ou simplement qui finit par nous donner l'impression que si on accrédite ce terme, on se laisse encore charrier par des mécanismes illusoires d'un concept d'évolution créé par une religion ou par des archétypes religieux pour permettre à certaines personnalités, à certaines autorités humaines et terrestres d'avoir une mainmise sur la collectivité. Qu'est-ce que vient foutre un ange gardien lorsqu'un enfant meurt noyé à 5 ans, lorsque la glace sur la rivière machin chouette brise sous ses pas? Quand intervient un ange gardien lorsqu'une personne est malade et en meurt, ou un autre peut être atteint de maladie et ne pas en mourir? Alors évidemment, l'idée d'ange gardien telle qu'il a été enseigné amène une idée bafouée, c'est-à-dire qu'on finit par rechercher l'ange gardien. On va même aller jusqu'à prétendre que les ivrognes ont un dieu. Alors pourquoi les personnes qui ne sont pas ivrognes ont-ils des accidents, se blessent-ils lorsqu'ils tombent? Et une personne qui est chaude, lorsqu'elle tombe, elle ne se blesse pas. Alors l'idée de l'ange gardien, premièrement l'idée même des anges, de toute la hiérarchie angélique amenée par la tradition chrétienne. Sous d'autres terminologies, on parle des anges dans toutes les religions. Et on parle aussi des anges dans certaines écoles traditionnelles et dans l'ésotérisme. Alors, qu'est-ce que moi je vais foutre avec des anges? Au niveau supramental, au niveau cosmique, si l'on regarde le concept de l'ange et le concept de l'ange gardien tel que présenté par les enseignements antiques, les enseignements du passé, les enseignements traditionnels, je peux, sur un certain plateau, donc à partir d'un certain point de vue qui n'est pas inhérent à l'Antiquité, percevoir ce que l'humain essaie de conceptualiser lorsqu'il parle d'ange et lorsqu'il parle d'ange gardien. Je ne choisis pas mes titres, on me les choisit. Et lorsque j'ai vu le titre « Avez-vous un ange gardien? », ça m'a placé dans un état similaire à l'état de François tout à l'heure. Est-ce que moi, je me promène avec un ou deux ou trois entités qui m'entourent régulièrement, et lorsque je viens pour prendre mon verre, si je vis à côté, ils tassent ma main pour que je le prenne? On a souvent eu cet enseignement de l'ange gardien. Celui qui, dans ma conscience, venait me dire « fais ceci » pour lutter contre un autre, un ange déchu, démon, qui me disait « fais cela ». Alors, si on veut parler de l'ange gardien à ce niveau, il faudra aller rencontrer d'autres personnages. Moi, je ne parle pas de ces illusions d'ange gardien. L'ange gardien ne protège pas l'homme. Alors, quand François a commencé, de quoi nous garde-t-il? Il sous-entendait de quoi nous protège-t-il. L'ange gardien garde, mais il n'est pas là pour protéger l'homme. Alors, évidemment, ne cherchez pas dans les livres ce que je vous dis, parce que ça n'a jamais été écrit, ça n'a jamais été su par l'humain. L'ange gardien garde. Alors, il y a différents niveaux, il y a différents paliers d'involution ou d'évolution, dépendant du point de vue où on est placé, pour voir apparaître l'expression angélique de certaines formes conservatrices de mémoire des gardiens. Ils gardent. Ici, de toute façon, je vais quand même amener les termes de la chrétienté pour parler des anges. Alors, on va parler de certaines formes d'expression d'énergie paramétrique que la chrétienté appelle les anges. Alors, je vais donc exclure les anges démoniaques, je vais donc exclure les anges qui pénètrent dans la conscience pour nous dire quoi faire, parce qu'un ange gardien ne pénètre jamais dans la pensée de l'homme. Un manipulateur qui pénètre dans la pensée de l'homme, c'est la pensée qui s'interpénètre elle-même, mais un ange ne pénètre jamais dans la pensée de quelqu'un. Et on va déterminer très rapidement ce que j'entends par ange. La chrétienté nous parle des archanges. La chrétienté nous parle des chérubins. La chrétienté nous parle des séraphins, entre autres, et des anges gardiens. La chrétienté amène une hiérarchie assez volumineuse de tout ce phénomène angélique. Je répète, avant de poursuivre, qu'il n'y a pas de hiérarchie cosmiquement réelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie psychologique, il n'y a pas de seigneur tout-puissant, plus puissant et orgueilleusement plus puissant que d'autres. Lorsqu'on parle de hiérarchie, c'est comme si l'on parlait d'un escalier. Il y a la 10e marche, il y a la 15e marche, il y a la première marche. Si on parle de hiérarchie psychologique, on va dire la 15e marche, elle est bien meilleure que la première. Et ça, c'est faux. Il faut bien comprendre l'idée que l'archange n'est pas supérieur cosmiquement à l'homme. L'archange a des affinités. L'archange ou les séraphins, par exemple, ont des possibilités que l'humain terrestrifié n'a pas. Mais le séraphin n'est pas un être à adorer. D'ailleurs, Dieu non plus n'est pas un être à adorer, à recouvrir d'or. De quel ange veux-tu qu'on parle? Des chérubins, des séraphins? Je vais te soumettre une objection d'abord. Supposons qu'on croit à la prédétermination. La destinée? Voilà, destinée au destin inéluctable, là, qu'on ne peut pas empêcher, etc. Donc, l'absence totale de libre arbitre concernant l'échéance finale de notre mort. Bon. Supposons que cette échéance-là est inscrite dans un livre, quelque part, dans des archives, telle heure, tel jour, telle année. Et supposons que, traversant la vie, en allant vers ce rendez-vous, nous arrive toutes sortes d'accidents dont on se tire indemne. Et comme on ignore que l'heure est prédéterminée, on peut supposer à ce moment-là qu'on bénéficie d'une espèce de protection occulte de l'ange gardien, mais qui n'existe pas en réalité, dans le sens que ce n'est tout simplement pas l'heure fatale de la mort. Donc, la pensée construit le concept de l'ange gardien pour expliquer quelque chose qui donne une certaine forme d'espoir à l'humain qui souffre. Ce qui est à à remarquer d'impressionnant chez l'humain, c'est qu'il a la faculté par sa pensée de toujours admettre dans sa conscience une coloration, une déformation, une copie manquée d'un phénomène cosmique. Si tu es prédéterminé, comment peut-on t'empêcher de te tuer avant la date? Alors, il n'y a pas que le concept de l'ange gardien, il y a effectivement un phénomène séraphique qui va t'obliger à te rendre au rendez-vous. En tant qu'humain, tu n'as pas le choix de manquer le rendez-vous. Tu ne peux pas l'outrepasser, mais tu ne peux pas le devancer. Et si on regarde ton théorème, cosmiquement, ça n'exclut toujours pas l'ange gardien. Ça n'empêche pas que l'humain va personnifier l'ange gardien, que l'humain va essayer d'entrer en contact. On ne peut pas prier l'ange gardien. Ça n'a rien à foutre. C'est comme prier son automobile pour qu'en cas de collision, il nous protège plus. L'ange gardien est un mécanisme aussi matériel, aussi programmé, aussi archétypé qu'un automobile. Et toi, tu es dedans, et c'est même relativement vrai. Ça répond? Alors, une autre objection. Qu'est-ce qui nous prouve que lorsqu'on s'adresse à l'ange gardien, soit par la prière ou une autre forme de recueillement intérieur, qu'est-ce qui nous prouve qu'en fait, ce n'est pas une tentative pour se contacter soi-même? C'est une tentative pour se contacter soi-même parce qu'on ne peut pas contacter un ange gardien. Alors, en partant, on ne peut pas prier un ange, on ne peut pas contacter un ange gardien, que ce soit un chérubin, que ce soit... On peut se servir des anges. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que l'ange gardien est une partie de nous-mêmes? Eh bien, oui. Sur un autre plan? Mais ça va de soi. Ça va de soi. Et c'est d'ailleurs ce qu'est l'ange gardien. Il ne protège pas, il conserve. Qu'est-ce que c'est que le périsprit de l'âme? L'enveloppe énergétique qui est supposée entourer l'âme. Oui, et ça porte un autre terme aussi, ça porte un terme séraphin. Et c'est ce qui va permettre, outre le monde de la vie matérielle, la conservation de l'âme pendant un laps de temps pour véhiculer, pour garder, pour conserver. Alors on pourrait dire en termes scientifiques que l'ange gardien, c'est un champ de force. C'est un champ de force. Mais on a aussi les chérubins qui sont asservis, donc qui sont affiliés aux séraphins, les chérubins, qui sont une autre forme d'ange gardien qui garde. Mais il faut bien comprendre que le terme gardien n'a rien à voir avec le terme protection. Bon, alors prenons le cas d'une personne qui décède cliniquement puis qui est ramenée à la vie 10 ou 15 minutes après, ce qui est rare, mais ça existe. J'ai parlé avec une personne ici à qui c'est arrivé 15 minutes après sans avoir aucune séquelle au cerveau, ce qui est très rare. Est-ce que c'est à ce moment-là une espèce de phénomène d'ange gardien ou de... C'est le phénomène séraphique qui simplement interdisait la mortalité de la personne par différents processus qu'on pourrait élaborer. Mais si on a le temps, peut-être qu'on peut y revenir au niveau de ce genre de mortalité temporaire. Autrement dit, il pourrait y avoir un champ de force mis autour des cellules du cerveau qui protégerait à ce moment-là le cerveau. Le périsprit est une enveloppe d'énergie vitale. C'est de l'esprit terrestrifié. C'est de l'énergie éthérique supramentale planétarisée. Ça, c'est l'énergie vitale. Alors, c'est donc évident que le séraphin, donc cette enveloppe, est automatiquement de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec l'âme comme telle. Lorsque je dis que l'ange gardien, prenons l'exemple du séraphin, celui-ci ne pénètre jamais la pensée de l'humain. Par contre, il en délimite les paramètres. Alors, vu qu'il est l'enveloppe, il va déterminer ce qui va pouvoir y être accepté, la forme de grossissement de l'ego ou de l'âme, mais il ne peut pas intervenir sur la pensée de l'humain. Alors, automatiquement, tes émotions sont régies par ton propre schéma de pensée, mais tu auras des événements dans ta vie régis par ton évolution séraphique, donc des régis par la consistance réincarnative génétique de l'enveloppe de ton âme, donc de cet ange gardien qui s'appelle le séraphin. Mais vu qu'il est d'énergie vitale, il faut bien comprendre que l'être humain, d'ailleurs on va revenir là-dessus la semaine prochaine, comment survivre à sa mort, et c'est de plus en plus possible, il y a le monde matériel animé par les anges gardiens, par les énergies vitales qui sont tout le processus espritique, donc éthérique, terrestrifié, et qui vont avoir différentes classes qui vont porter des noms reliés aux anges gardiens. Alors le corps physique est contrôlé par un ange gardien, c'est-à-dire que l'énergie vitale mémorielle qui conserve les cellules ensemble et qui permet aux cellules de se reprocréer toujours en considérant la forme primordiale, ça c'est un ange gardien, il garde la forme, protège pas l'homme. Garde la forme. Cet ange, il est éthérique. Le chérubin, bon, on va revenir. Cet ange, il est éthérique. Et cet éther, lorsque l'individu meurt de son corps physique, il n'est pas mort. Il n'a plus de corps physique. Et là, son âme, paramétrée par le séraphin, donc qui est une partie qui est l'enveloppe de l'âme, se ramasse dans un monde qui n'est pas le monde de la mort, qui n'est pas le monde des morts et qui n'est plus le monde du vivant corporel. Alors évidemment, il est séraphiquement dans un monde transitoire où il va cheminer lentement vers le monde des morts. Et lorsqu'il va pénétrer le monde des morts, l'esprit séraphique va devoir se séparer. Parce que le séraphin est de l'ordre vital et il ne peut pas pénétrer le monde de la mort. Alors, lorsque l'âme se fusionne au monde des morts, le séraphin, donc l'esprit séraphique, l'ange gardien, crée une ouverture et l'ego, l'âme, est transfusé dans le monde des morts où il sera divisé en certains paliers pour pouvoir se fusionner dans l'attente d'une réincarnation pluralitaire. Le séraphin, une fois cela fait, peut se préparer comme réceptacle à une autre incarnation. Donc, l'ange gardien peut servir à plusieurs personnes. Quand à un moment donné, j'ai fait faire une expérience aux personnes et je leur demandais, je prouvais que la pensée n'avait aucun pouvoir. La pensée, elle n'a que le pouvoir de penser et de s'auto-identifier, mais elle n'a pas de pouvoir sur la matière. Or, l'expérience était, on plaçait sa main relaxe et par la pensée, on se concentrait pour faire bouger la main. Dernièrement, chez Koutimi, j'ai fait faire cette même expérience et il y a une personne qui m'a dit, ben oui, mais regarde, je la fais bouger. Je dis, non, tu la bouges. Mais ce n'est pas par ta pensée. Tandis que la majorité des personnes, et si vous êtes pas d'accord, vous avez juste à essayer l'exercice, vous relaxez votre main, vous vous concentrez pour qu'elle lève, et elle ne lèvera pas. La pensée, sans l'intermédiaire d'un chérubin, ne peut pas bouger le corps. Alors la personne, oui, mais regarde, je le bouge, parfait, bouge ton oreille. Si elle n'arrive pas à saisir la différence entre un et l'autre, ben bouge ton oreille. Ah, mais là, bon. OK, la pensée ne peut pas faire bouger le corps alors qu'elle habite le corps. Alors, encore moins faire bouger des objets à distance. Il y a un procédé qui est relié au chérubin. Chérubin, ces termes, moi, avec ces termes, je les emploie parce que c'est le prototype conceptuel mal expliqué, mais qui définit exactement l'état même vibratoire de la chose. On pourrait y inventer un autre mot, mais on a déjà expliqué dans l'Antiquité, même si on l'a mal formé, ces choses-là, alors je les réemploie. Il y a deux formes de chérubins. Les chérubins sont des énergies presque matérielles qui conservent, qui habitent l'humain et qui font partie de sa structure d'interprétation espritique, énergétique par rapport à l'intermédiaire matériel, le corps physique. Comment penses-tu? Tu as un système neuronique. Mais le système neuronique n'est là que pour opérer des contacts. Il ne s'auto-énergise pas lui-même. La pensée n'est pas un phénomène neuronique. L'expression matérielle de la pensée va être opérée par le système neuronique et le système glial. Mais le chérubin, lui, est l'intermédiaire entre la pensée, donc le chérubin est d'ordre vital. Le chérubin est constitué d'énergie yin et il y a une autre forme de chérubin constituée d'énergie yin. Les chérubins fonctionnent toujours par paires. Lorsque moi je pense, c'est un phénomène émotif, astralisé, qui est donc contenu dedans ce qu'on peut appeler le paramètre de l'âme, le séraphin, et qui est d'énergie vitale aussi. Et c'est lui qui me permet d'avoir un contact avec le corps physique. Cette enveloppe, les séraphins donc sont toujours les coordonnateurs des chérubins. Et lorsque je vais penser, le séraphin va donc opérer une communication avec le chérubin qui lui bouge mon corps. Ce qui fait qu'à un moment donné, je pense avoir soif et c'est tout. Et l'ange gardien, le chérubin, va donc prendre l'eau. Permettez. Je vois pour bien démontrer. Et je n'ai pas pensé à l'action, je n'ai pas coordonné l'action, cela a été chérubinisé. Et ce qui fait que je n'ai pas eu de problème. Le chérubin est donc comme le séraphin, comme l'archange, donc toutes ces formes d'anges gardiens. L'archange est un gardien des archétypes cosmiques au niveau de l'évolution planétaire. Donc l'archange est le maître suprême de l'évolution archétypale ou psychologique ou astrale ou amique de tous les séraphins et de tous les chérubins, donc de tous les humains. C'est quoi ces archétypes-là? C'est quoi un archétype? Bon, l'archétype, c'est un mécanisme qui est mémoriellement implanté dans une conscience comme celle de la planète, à l'instant même où l'humain a la faculté d'avoir une mémoire qu'il peut conscientiser. Lorsque l'humain, et ça on remonte jusqu'à la Lémurie, donc on remonte à l'époque d'Adam et Ève, lorsque l'humain a la faculté mémorielle, consciente, donc lorsqu'il peut se rappeler consciemment, lorsque l'humain a la faculté de pouvoir fouiller dans ses mémoires, et ça c'est plus ou moins bien orchestré, Selon l'évolution, selon la plénipotentialité des chérubins à l'intérieur, c'est eux qui vont permettre à l'humain, à la pensée, de fouiller dans les mémoires. Ils gardent la mémoire. Alors, lorsque les humains ont cette conscience, l'archétype, c'est simplement la projection d'un univers cosmique à l'intérieur d'un écran, l'écran astral de la planète Terre. Alors, ce qui fait que je place le verre ici, le verre a une tridimensionnalité, et il y a l'ombre du verre sur la table. L'archétype, c'est l'ombre. L'humain qui est en dessous voit l'ombre du verre et il dit « ça, c'est un verre ». Le verre, il est plat, il a deux dimensions, il a une longueur, il a une largeur, il est ceci, il est cela. Ça n'a rien à voir avec l'idée réelle du verre, cosmiquement. Sauf que c'est quand même une coloration, c'est une projection d'un monde hors dimension, dans un contexte tridimensionnel, où on a l'épaisseur, la hauteur et la largeur. Et ce phénomène, au niveau de la sphère planétaire, peut, par l'intermédiaire des chérubins et des séraphins, lorsque l'humain commence à suffisamment évoluer pour avoir un phénomène astral et un phénomène vital évolutif, il peut lire dans le ciel, donc dans cette couche de projection, des mécanismes qui lui permettent d'avoir une compréhension, d'avoir une connaissance, mais évidemment terrestrifiée, planétarisée, du monde universel, du monde cosmique, auquel on l'a obligé à se couper. Oui? Donc, le concept de Dieu, celui du Père, du Fils, du Saint-Esprit, de la Trinité, par exemple, ce sont des archétypes. Mais ça va de soi. Donc, ce sont des espèces de mémoires ou d'émotions condensées qui ont été implantées dans le mental de l'homme. Pour suppléer, pour compenser la perte momentanée de cette personnalité espritique, donc disons divine, avec ce qui l'a mis là, avec elle-même, autrement dit. Prenons l'exemple de la Trinité. L'antique religion enseigne la Trinité, il parle du Père, il parle du Fils, il parle de l'Esprit. Est-ce que toi, tu peux penser avoir un contact avec l'Esprit, l'Esprit Saint, sans avoir un contact avec le Fils, sans avoir un contact avec le Père? Alors, il y a des personnes qui se disent en contact avec le Christ, d'autres en contact avec l'Esprit Saint, d'autres en contact avec le Père. Moi, je suis en contact avec les trois. Et si toi, tu as un contact avec l'Esprit Saint, qui peut aussi faire intermédiaire d'énergie supramentale, l'Esprit pur, donc non coloré par l'événement planétaire, alors automatiquement, trinité veut dire triunité, alors il y a trois mécanismes qui s'expriment en même temps, et s'exprimant en même temps, ils existent. Et les mêmes en une, il n'y a plus d'existence. C'est ça une triunité. Alors ça, c'est un mécanisme avec qu'on enseigne de façon assez archaïque au niveau des religions. La Trinité, c'est un archétype qui permet aux séraphins d'avoir une conscience volumétrique, d'avoir une conscience qui a une tendance à l'expansion, à l'évolution, de ce qui, à l'extérieur du ciel, donc dans les cieux, pour reprendre encore les termes ancestraux, existe. Les anges gardiens, ils gardent. Toi, tu décides de faire certaines choses, et ça, c'est paramétré par l'expérience que tu as pu reconnaître, l'expérience que tu as pu enregistrer, et au niveau chérubique, c'est-à-dire au niveau des chérubins, selon ce qui, dans cette expérience, pourra refouler à ta conscience mémorielle, tu auras tel désir ou telle chose. Maintenant, la pensée ne connaît pas d'interférence au niveau des anges gardiens. La pensée ne va connaître d'interférence qu'au niveau de la pensée extérieure. Alors, on parle donc des manipulations astrales, des manipulations de la conscience collective, mais on ne peut pas parler d'anges gardiens. Il y a évidemment des mécanismes expressifs, donc d'expression, encore une copie chez l'homme. J'explique souvent qu'il y a la réalité, il y a la coloration de la réalité qui est la vérité, il y a la coloration de la vérité qui est le mensonge, il y a la coloration du mensonge qui est le mal. Alors, c'est un mécanisme qui s'en va comme ça, dégradant. L'humain, dans son enveloppe séraphique, ou donc dans son âme, voit une coloration, disons, une dimension de mon verre d'eau. Alors, il peut lui aussi créer l'ange gardien qui, dans sa conscience, vient lui dire la bonne morale, les bonnes choses à faire. Mais cet ange gardien n'a rien à voir avec la conscience cosmique de l'ange gardien parce qu'il devient un ange protecteur. Tandis que l'ange gardien vital, éthérique ou espritique au niveau matériel, qui a une tridimensionnalité si on le compare au verre, il est là pour garder. Il est là pour garder ceci. Toi, tu as une conscience biologique qui t'est donnée par ta génétique. Tu as donc un cerveau particulier, un système endocrinien particulier. Tu auras des problèmes pathologiques selon ta lignée familiale. Et les chérubins sont là pour conserver cette forme. Alors automatiquement, tu auras une expérience relative à cette forme. Si tu n'as pas de jambes, tu ne seras pas un coureur olympique. Et les chérubins vont veiller à ce que ça n'arrive pas. Alors donc, ils sont gardiens d'un patrimoine et ils sont gardiens aussi de cette destinée. Ils empêchent donc le libre-arbitre humain. Ils gardent. Ils ne sont pas là pour protéger. Ils sont là pour que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir. Conserver. Oui, ce sont des conservateurs, donc des gardiens. Bon. Si l'ange gardien est une enveloppe d'énergie vitale, une espèce de champ de force électromagnétique qui garde la forme vitale, qui garde le corps en vie, tout simplement, lorsque les Égyptiens, dans leur tentative de momification, faisaient avec l'aide d'incantations et toutes sortes de procédés occultes, tenter de conserver cet esprit ou cette énergie vitale, cette âme en quelque sorte, près du mort. Est-ce qu'ils supposaient qu'il y aurait peut-être une tentative par la suite de réincorporer cette âme dans un corps, un peu peut-être comme avec le vaudou? Est-ce que le vaudou, par exemple, c'est une manipulation de l'énergie vitale de l'ange gardien? C'est une drôle de question, mais on en vient à ça. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, c'est que l'homme peut manipuler les anges gardiens. Les anges gardiens sont là pour servir Dieu. Donc, ils sont là pour servir l'homme. Mais évidemment, tant que l'homme se croit médiocre, l'homme essaie de servir les anges gardiens. Alors, ça crée une espèce de contexte tout à fait débile. Bon, au niveau du vaudou et au niveau de nos pharaons, lorsque une personne meurt, le corps physique doit perdre sa forme. Lorsque le corps physique perd sa forme, c'est qu'il perd la mémoire de sa forme, donc il pourrit. Lorsqu'il perd sa forme, c'est que la vie l'a quitté. Les premiers paliers de vie qui permettent l'animation matérielle sont les paliers reliés aux chérubins. Le fait de momifier un corps oblige automatiquement le corps à conserver sa forme, ce qui fait que, théoriquement, à cette époque, on parle de l'époque des pharaons, théoriquement, à cette époque, conservant la forme mémorielle corporelle, on obligeait les chérubins à persévérer l'habitat du corps, et les chérubins ont une connotation vibratoire très proche du séraphin. Donc de l'âme, du mort, ce qui obligeait automatiquement le mort à ne pas pénétrer le monde des morts et à rester entre le monde, donc il flottait au-dessus du monde de la matière vivante, sans pénétrer le monde des morts, donc le pharaon devenait immortel. Maintenant, est-ce qu'eux pensaient à cette époque pouvoir un jour avoir un autre corps physique, expulser l'âme, donc les séraphins et les chérubins de ce corps physique, conserver le corps physique suffisamment vivant, disons 15 minutes, et aller chercher le séraphin et les chérubins de la momie pour les faire réintégrer ce corps, de façon à ce que ceux-ci, à ce que le pharaon puisse revenir vitalement dans un corps. Bon, les pharaons n'avaient pas cette idée, par contre les Tibétains avaient cette idée. Et les Tibétains ont même déjà réussi à faire ce processus, à obliger un Dalai Lama à se réincarner, et ils l'ont fait plusieurs fois. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'au niveau... Mais les Tibétains ne momifiaient pas. Non, et il ne fallait pas momifier. Lorsque tu momifies, pour que la forme soit conservée d'une façon style pétrifiée, alors automatiquement, les chérubins de cette vie corporelle quittent le corps, ils vont être remplacés par des chérubins, par une molécule vitale qui est beaucoup plus d'ordre chimique que d'ordre organique. Alors, ça va être tous les constituants permettant la momification du corps. Alors, automatiquement, le pharaon décolle, les chérubins décollent, le pharaon n'est pas rien natif avec une conscience intégrale séraphique comme va l'être la réincarnation de l'homme nouveau. Et dans le vaudou, c'est quoi le phénomène de... Le vaudou, on essaie dans le vaudou, on conserve la phase séraphique, on conserve la phase chérubinique, sauf qu'on essaie dans l'âme d'expulser totalement les phénomènes d'identification de l'âme. Donc, on essaie de créer une brèche à l'intérieur du séraphin, de cet ange gardien qui garde l'état de l'âme, pour essayer d'expulser l'âme de l'homme ou de la femme. Et lorsque cela est fait, on a donc un corps physique qui garde sa forme. Donc, il n'est pas momifié. Et il y a aussi un phénomène séraphique qui peut maintenant être rempli par quelque chose. Et normalement, le séraphin, à ce niveau, ne peut pas quitter le corps physique parce que les chérubins y restent emprisonnés. Et les séraphins travaillent avec les chérubins. On va trouver dans un phénomène extrêmement évolué au niveau des races. Par exemple, si on regarde ceux qui vont pratiquer le vaudou, le séraphin n'a pas la faculté de se séparer des chérubins, donc il n'a pas la faculté de se séparer du corps. Alors, on peut dire que dans un mort vivant, c'est que l'âme est morte, c'est-à-dire que l'âme a été expulsée du phénomène séraphique, donc du paramètre du périsprit protecteur. L'âme intègre automatiquement le monde des morts par sa vibration attractive et le corps physique reste tout à fait vivant. Et là, il peut être assujetti à une manipulation, à une possession totale par la pensée, donc par l'astral, par l'âme de celui qui a créé ce mort vivant, donc ce zombie. Bon, qu'est-ce qui décide que l'ange gardien ou ce champ d'énergie vitale, à un moment donné, se retire du corps? Qui décide autrement d'avoir... dit, c'est pas nous autres qui décidons de mourir. Non. Bon, alors, non. Alors, ça veut dire donc que c'est l'ange gardien qui prend la décision, ou est-ce qu'il est obligé par des circonstances? Il est obligé par des circonstances qui sont reliées au phénomène des archanges et qui sont reliées au phénomène des intelligences supramentales, qui sont évidemment les privilégiés, qui sont supérieurs aux archanges à ces phénomènes. L'archange est un phénomène espritique, donc d'ordre intelligent, d'ordre supramental, mais qui est suffisamment proche du contexte planétaire pour en perdre la conscience intelligente tout en restant facilement contrôlable par les énergies supramentales. L'Esprit Saint. Les anges qui vont être donc les phénomènes expressifs vibratoires qui se rapprochent plus de la matière finissent par porter des différents noms. Alors, on a donc nos séraphins, on a nos chérubins, etc. Qui décide, c'est un mécanisme évolutif qui est mécanique. Lorsque le corps physique n'a plus suffisamment... Parce que vois-tu, ce qui arrive, c'est que le corps physique, au fur et à mesure qu'il avance, le chérubin, lui, est un phénomène d'énergie éthérique, donc vitale. Lorsque le séraphin est un phénomène d'énergie vitale lui aussi, mais d'un niveau légèrement supérieur au phénomène chérubique. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le corps physique a besoin d'énergie vitale pour constituer la vie. Les chérubins ont d'autres paliers hiérarchiques, ça va être les farfadets, les lutins, les gnomes et tous ceux-là qui vont s'occuper des contextes tout à fait biologiques, botaniques, même de la nature, fauniques et floriques. Un peu en haut de cela, on a notre corps physique qui fonctionne réglé par des anges gardiens. Donc, la nature a ses anges gardiens. C'est lutins, c'est farfadets, c'est gnomes, etc. Et l'humain a un ange gardien chérubique qui va être d'un ordre vital beaucoup supérieur, qui lui permet une vie beaucoup plus adaptée et raffinée. Supérieur, ça veut dire qu'il est d'un niveau vibratoire plus élevé. Jamais psychologique. Plus élevé en vibration. Exactement, en vibration. Alors, ce qui va arriver, c'est que mécaniquement, le chérubin finit par être suctionné, quêté en énergie par ce qui habite le séraphin, par l'ego, par l'âme. Celui-ci, donc l'âme, est un phénomène qui n'est pas évolutif. C'est un phénomène, quand je parle évolutif, c'est un phénomène qui n'est pas ascendant. C'est un phénomène qui est connaissant, qui accumule des connaissances, qui accumule de l'identification, qui accumule des croyances, des concepts, des connaissances de ce genre. Mais ce n'est pas un phénomène qui s'améliore. L'âme ne s'améliore pas. L'âme n'évolue pas. Alors, si on regarde depuis des milliers d'années, même s'il n'a rien amené une forme d'instruction particulière, l'âme de l'humain n'a pas changé en 2000 ans, il n'a pas changé en 20 000 ans, il ne changera jamais. Parce que l'âme n'est pas un phénomène évolutif. Quand tu dis qu'elle n'évolue pas, est-ce qu'on peut faire une comparaison avec un ordinateur qui n'évolue pas plus parce qu'il reçoit plus de données ou qu'il engrange plus de mémoire, d'informations? Il n'y a pas d'évolution réelle. Il n'y a aucune évolution dans le phénomène de la pensée, de l'émotion, du désir, de la peur, de la mémoire. Donc, dans le phénomène de l'âme, il n'y a aucune forme d'évolution. L'humain des cavernes avait peur de la mort. L'humain d'aujourd'hui a peur de la mort. L'humain des cavernes était jaloux. On est aussi jaloux. On ne traîne plus les autres par les cheveux. On ne les bat plus, sauf qu'on les poursuit en cours, sauf qu'on les ridiculise. L'homme des cavernes avait son esthétique. L'esthétique a évolué. Oui, d'accord, mais l'humain est toujours poigné par la même esthétique. Alors, on a les mêmes problèmes qu'on avait avant. On a les mêmes guerres qu'on avait avant. On a autant de suicides qu'on avait avant. Bon, il y en a plus, ça ne change rien. L'âme n'évolue pas. Par contre, l'âme, il est là pour capter des mécanismes, faire gonfler le périsprit, de façon à ce que l'âme devienne suffisamment volumétrique, volumineuse, pour que lorsqu'il y a une mort, cette âme puisse réintégrer le monde de la mort, se fusionner avec des entités similaires dans ce ciel, et pouvoir revenir sur le plan planétaire, jusqu'à un moment donné où le séraphin sera suffisamment grandiose, où il sera suffisamment, par expérience, énergisé, lorsqu'il y aura suffisamment d'informations pour que le véhicule de la pensée dans le corps physique puisse finir par comprendre l'illusion. Ce qui arrive, ceci, c'est plus l'ego accumule de l'énergie, plus l'ego est capable de s'identifier, plus l'intellect fonctionne, Plus l'ego a de la mémoire en lui, plus il arrive à forcer l'énergie des chérubins à se transcender en énergie séraphique. Alors, il crée l'intellect, il crée l'énergie mentale, qui est une énergie tout à fait séraphique, qui n'est pas de l'esprit supramental, qui n'est pas intelligent, mais qui est une forme espritique terrestrifiée, relativement colorée parce qu'elle est assujettie à l'ego. Lorsque cette énergie est suffisamment évoluée, alors automatiquement, le séraphin peut entrer en contact, non plus avec les archanges, c'est-à-dire non plus avec les plans archétypales qui promettaient l'évolution céleste de l'humain, mais maintenant peut entrer en contact avec l'esprit pur, ce qui fait qu'automatiquement, cette âme, cet ego, a donc une raison d'évoluer. Lorsque l'ego évolue, il a le choix de capter des énergies dans la tellurie et dans la solarie, soit des énergies solaires ou telluriques de notre planète, par son alimentation, par sa respiration, par son sommeil, par sa vie au soleil. Sauf que ce qui va arriver, c'est que l'ego s'identifiant tellement au corps vital et au corps mental, qu'il finit par se donner le privilège d'aller puiser dans les chérubins l'énergie pour pouvoir dynamiser son séraphin, son âme. Alors, automatiquement, les chérubins perdant de l'énergie perdent la mémoire du corps physique et ces anges gardiens de la mémoire corporelle, donc de l'éternité, n'ont plus la faculté réelle de pouvoir conserver la mémoire du corps physique. Alors, automatiquement, celui-ci commence à se dégrader, à se transformer, donc il vieillit. Lorsque le corps physique est suffisamment vieilli qu'il n'a plus la connotation affective de conserver le chérubin chez lui, alors il meurt. Alors, automatiquement, les mécanismes de l'après-mort biologique se poursuivent et contact avec le plan des morts et la seconde mort, celle que l'humain devra et que l'humain va de plus en plus apprendre à transcender. Bon, la racine latine de âme, c'est anima, il me semble, donc ce qui anime. Maintenant, est-ce qu'il y a aussi, dans cette faculté d'animer le corps, est-ce qu'il y a aussi un pouvoir de régénération? Autrement dit, quand on parle dans la mythologie, par exemple, de Faust qui va vendre son âme au diable pour retrouver sa jeunesse, qu'est-ce que c'est que ça veut dire, ça? Bon. Ce genre de contrat ou de pacte. Ça marche, ça fonctionne. L'âme au diable. Premièrement, le diable n'a rien à voir avec les plans lucifériens. Donc, le diable, c'est un mécanisme qui essaie d'exprimer le plan relativement matériel de la vibration astrale. C'est l'enfer, au niveau du ciel. Bon. Lorsqu'une personne vend son âme au diable, cela veut dire qu'elle crée un contact, elle crée un pacte avec les énergies diaboliques, les énergies sataniques du plan bas de l'astral, et elle est d'accord l'ego accepte que toute l'énergie séraphique placée au niveau de son périsprit de l'âme, qui va donc à un moment donné pouvoir servir de véhicule moronciel ou de même de véhicule extragalactique, les transports séraphiques, elle accepte donc que toute cette énergie puisse maintenant redescendre soit dévié vers le bas. Alors, automatiquement, l'ego n'a plus la faculté nécessairement d'apprendre et de faire le travail évolutif. Et ces énergies viennent donc nourrir les chérubins. Alors, le corps redevient jeune automatiquement. Sauf que ce qui va arriver, c'est que... Et pourquoi ça serait pas correct? C'est pas correct pour la simple raison... Que cette énergie soit déviée, qu'est-ce que ça fait? Bon, ça fait... Moralement, on s'en fout. Moralement, oui, c'est correct, ça n'a rien à voir. Morale. Bon, au niveau cosmique. Au niveau cosmique, ce qui va arriver, c'est que regarde ceci. C'est que toi, présentement, tu as une maladie et tu es condamné par la médecine. Et le simple fait que de temps en temps, tu aies un contact avec l'énergie supramentale, donc avec l'énergie éthérique non colorée. L'énergie éthérique, l'énergie supramentale, l'énergie qui n'est pas terrestrifiée, elle est de même nature que l'énergie des chérubins, l'énergie des séraphins. C'est de l'énergie éthérique. Alors, dans l'ancienne étymologie, quand on parle de l'éthérique, on parle du corps vital. Si tu as un contact avec les plans supramentaux, automatiquement, la première chose qui va être nécessaire chez toi, ça va être d'empêcher ta mortalité biologique si tu as la faculté potentielle d'arriver à transcender au moins la mort, la seconde mort, la mort, d'éviter le contact avec le plan des morts. Donc, il y a comme une phase où il y a une retenue de la dégradation peut-être des cellules. Par l'énergie éthérique qui, au lieu de muter ton cerveau, au lieu de te donner une connaissance, une vision claire, vont te permettre de ne pas mourir ou de ne pas être malade trop ou de pouvoir même guérir. Alors, pour l'instant, on arrange cela. Et tant que toi, tu restes en affinité, donc tant que toi, tu restes dans un chemin qui te permet ce contact, on va continuer à arranger cela. La journée que tu sors complètement, ben, automatiquement, la maladie réapparaît et voilà, c'est fait. Parce que l'éthérique supramental, c'est de l'éthérique. Et l'éthérique, c'est de l'énergie vitale. Celui qui rentre en contact avec son propre esprit, automatiquement, a la santé qu'il a besoin. Tandis que celui qui crée un pacte avec les plans inférieurs de l'âme, avec les plans inférieurs du ciel ou de l'astral ou du monde des morts, automatiquement, il s'exempte de ce contact avec lui-même, ce qui fait que cosmiquement, ça n'a aucun sens. Donc, le grand rêve de l'homme concernant l'immortalité, ce sera en quelque sorte de pouvoir retenir l'ange gardien, la fonction de l'ange gardien, de façon éternelle dans le corps. C'est ne pas retenir, mais d'obliger. Parce que l'homme évolutif, l'homme psychologique, cet homme-là, il est contenu dedans le séraphin. Et le séraphin, c'est un ange gardien. Il l'empêche de toucher d'autres anges, donc de se mélanger, d'être mélangé. Il est déjà collectif, parce que les séraphins sont tous régis par les mêmes archanges. Alors, ça crée une conscience collective au niveau d'évolution, mais ça crée quand même une conscience collective, apparemment individuelle, égocentrisée. Bon. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que l'âme, l'ego dans le séraphin, lui, veut obliger les chérubins à rester dans le corps. Sauf que l'ego, lui, pour ne pas perdre de mémoire, a besoin de gonfler son séraphin. Donc, pour le gonfler, il doit accumuler de l'énergie vitale, et cette énergie vitale, il n'a pas l'intelligence de la prendre dans l'esprit, alors il la prend dans le chérubin. Donc, il se tue. Mais est-ce que ce n'est pas le rêve aussi des alchimistes ou leur quête dans la recherche du grand œuvre ou de l'élixir de jouvence, là, d'une perpétuelle jeunesse? Est-ce que ce n'est pas... Pourquoi on appelle ça jouvence? Ils n'ont jamais rien trouvé à jouvence. Jouvence, dans le sens de jouvenceau, oui, jeunesse. C'est ce que je pensais. Mais est-ce qu'eux autres ne cherchent pas justement à travailler avec ces différents niveaux d'énergie vibratoire des corps, là, pour obliger ce qui maintient la vie à rester dans le corps? C'est que l'alchimiste, le vrai alchimiste, on ne parle pas des fumistes qui cherchaient de l'or. L'alchimiste, ce qu'il voulait faire, lui, c'est qu'il voulait, par des procédés matériels, arriver à la création par sa propre énergie éthérique. Donc, il devait faire le grand œuvre. Alors, il devait magnétiser, il devait mettre de sa propre vie, donc il devait mettre de son énergie chérubique, donc de son ange gardien vital, à l'intérieur d'un processus pour essayer de prendre une vibration d'ordre vital, mais minéral, par exemple. Comme on le voit Paracels, ici, c'est ça. D'ordre minéral, et essayer de l'humaniser. Donc, de la rendre lumineuse par rapport à son état précédent. Et lorsqu'il aurait trouvé cela, il voulait l'absorber ou la maintenir près de lui, de façon à ce que l'énergie éthérique de ce phénomène matériel, que ce soit la rosée, que ce soit ces choses-là, il essayait de prendre une énergie presque minérale, de l'humaniser pour pouvoir l'absorber de façon à ce qu'elle vienne complémentariser le manque des chérubins. Alors, l'alchimiste avait donc compris que plus il puisait dans sa propre vitalité pour évoluer, plus il s'en allait vers le vieillissement et la mortalité. Et l'alchimiste, certains alchimistes évidemment, avaient la conscience d'un monde de vie après la mort physique, mais un monde qui t'amenait vers le monde des morts. Alors, eux autres, donc, voulaient essayer d'avoir... Ils ne comprenaient pas tout à fait la mécanique du dobétérique et de tous ces phénomènes. Par contre, ils savaient que s'il étendait sa vitalité matérielle, il aurait peut-être la chance d'arriver à avoir suffisamment de vibrations au niveau de son mental pour arriver à une fusion avec son esprit, donc avec l'énergie supramentale. Alors, ce qui fait que l'alchimiste avait compris qu'il ne devait pas puiser dans sa propre vitalité pour évoluer, ce que la majorité de ce que tous les humains font, et il essayait de prendre un phénomène presque solaire, presque tellurique, proche de l'énergie des chérubins, de l'humaniser suffisamment pour qu'elle puisse s'intégrer à son corps physique. Essayer d'emmagasiner en quelque sorte cette énergie. C'est ça. Alors que ce soit la pierre philosophale. Mettre en conserve. Oui. Oui. Pourquoi est-ce qu'ils étaient toujours accompagnés d'une femme, les alchimistes, dans leurs recherches? Pourquoi il y avait nécessairement une femme à côté d'eux? Il fallait. Pourquoi? Dans la sexualité de l'homme nouveau, on a suffisamment élaboré sur les mécanismes de prépolarisation, de polarisation potentielle, de polarisation actuelle de la femelle et de l'homme, du mâle. La femme, elle a un corps physique qui est récepteur. Il n'est pas vitalisé, il est récepteur. L'homme a un corps physique qui est donneur, on peut constater juste par l'anatomie. Vitalement, la femme, elle a un corps physique qui est donneur. Donneur, elle peut donc engendrer la vie, elle peut prendre des cellules, elle peut former un fœtus, elle peut créer un enfant sans trop en souffrir, elle peut énergiser vitalement. Alors évidemment, l'alchimiste n'était pas fou. Il voulait avoir la présence d'une femme parce qu'il était capable de têter suffisamment d'énergie vitale chez elle pour pouvoir s'en servir aussi à l'œuvre, au grand œuvre. Lorsque lui n'avait pas suffisamment d'énergie vitale, alors au contact d'une femme, soit par relation sexuelle, où il allait donc voler de cette énergie vitale, soit simplement au contact, dépendant de la vibration entre ces personnages, alors il pouvait prendre de l'énergie vitale. C'est un peu comme la sorcière et le chat noir. Le chat noir, il est capable, par sa couleur noire et par sa forme, d'attirer l'énergie vitale des extérieurs, donc il emmagasine. Et lorsque une sorcière rencontrait des personnes, son chat noir ne portait pas malheur. Mais lorsque le chat est suffisamment vaudouisé, donc sous l'égide mentale de la sorcière, il avait la faculté d'attirer l'énergie des personnes, donc les personnes s'en allaient, donc on disait que le chat noir portait malheur. Et la sorcière par la suite flattait son chat, minouchait son chat, et là le chat lui donnait de l'affection et il énergisait la sorcière. L'ange gardien, est-ce qu'il prend possession du corps? Est-ce qu'il devient le passager clandestin du corps dès la naissance? Le chérubin est l'animateur du corps, sauf que dès la naissance, oui. Dans la gestation, c'est le chérubin de la mère qui va s'occuper du corps. Et il y a une phase dans l'accouchement, ou juste un peu avant l'accouchement, où là, il y aura un transfert au niveau des chérubins, et la mère doit abandonner l'enfant. Et là, l'enfant peut mourir, l'enfant peut vivre, mais ça ne regarde plus la mère, ça regarde maintenant le processus évolutif réel de ce chérubin. Par contre, le séraphin est choisi, lui, avant même la conception de l'enfant. Bon. Le concept de l'immortalité aujourd'hui, vu d'un point de vue supramental, est-ce que c'est une utopie ou c'est quelque chose d'envisageable? Et si oui, quelle forme ça va prendre ou ça pourrait prendre? L'immortalité. Bon, premièrement, la semaine prochaine, on revient sur l'immortalité la plus potentiellement actualisable dans les personnes, par exemple, qui suivent les conférences. L'immortalité physique, elle est faisable par la fusion, par l'annexion au corps physique d'un double éthérique, d'un double lumineux terrestrifié. Alors donc, la personne doit avoir un chérubin, mais ce ne sera plus un chérubin, ce ne sera plus un ange gardien dans le sens chérubique. Ça va être un phénomène, un double espritique, mais qui n'est pas de l'ordre des anges gardiens, qui aura donc la faculté de vivre autant dans le monde supramental, donc au-delà des archanges, que dans le monde matériel, en-delà des chérubins. Alors la personne, elle pourra avoir une matérialité biologique qui sera suffisamment lumineuse parce qu'elle sera éthérifiée par ce double éthérique. Ça, c'est si on parle d'immortalité physique. Maintenant, il faut comprendre que l'énergie vitale, elle a la faculté d'assembler les atomes, d'assembler les molécules ensemble pour créer des corps. Alors évidemment, la personne qui a un double éthérique se parfaitement constituée, elle peut laisser son corps physique se désintégrer, elle n'a rien à foutre. Et si elle en a besoin, elle en reconstitue un, donc elle ne procède plus de la naissance. Tandis que les personnes qui, comme on va le voir la semaine prochaine, survivent à leur mort, vont devoir renaître. Mais avec une réincarnation où ils vont se rappeler leur vie antérieure parce qu'ils seront... Ils renaîtront d'une réincarnation suite à un contact préfusionnel avec leur double éthérique. Bon. D'où vient le double éthérique et est-ce que tout le monde en est doté? Non. On a fait une conférence d'ailleurs sur le double éthérique et je crois que tu n'étais pas là. Le double éthérique, pour résumer, les personnes qui veulent en savoir un peu plus, donc il y a cette conférence sur l'ajusteur de pensée et sur le double éthérique. Le double éthérique, il provient simplement de la supramentalisation de l'âme. De l'homme ou de l'âme? De l'âme. De l'âme. De l'ego. Des mémoires. Alors, on a cette enveloppe séraphique qui est espritique et qui conserve l'âme et qui permet donc le contact individuel de ce phénomène évolutif à travers le monde le monde de la mort, même parce que l'être humain dans un corps physique est toujours en contact avec le monde des morts. Parce qu'il est régi, il est associé au monde des morts. Donc, il pense, il a la mémoire, il a l'émotion, il a un paquet de mécanismes dans ce genre. Par contre, il est, par l'intermédiaire du séraphin, en contact aussi avec le plan de l'esprit. Alors, évidemment, il a la faculté d'une forme d'intuition qui n'est pas reliée au monde des morts, mais qui n'est pas reliée non plus à son plan logique qui lui permet de coordonner les connaissances. Alors, ce qui va arriver, c'est que, dans cet ego, dans cette âme, plus le plan séraphique par l'intermédiaire du contexte mental arrive en contact avec l'énergie supramentale, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un couloir vital, un couloir qui va être créé, qui va porter le terme ajusteur de pensée, donc être capable d'informer ou de désinformer selon l'affinité évolutive de l'âme. Et l'âme, l'ego, tout ce qui est à l'intérieur de cette âme sera lentement supramentalisé, c'est-à-dire qu'il sera augmenté en vibration, donc on n'a plus d'âme. Et ça va se transformer en double éthérique qui va avoir la faculté. Le double éthérique, c'est quoi? C'est un double qui conserve la personnalité de l'être humain sur la planète. Mais il n'en conserve pas l'identité psychologique. dans l'identité psychologique, ça, c'est réellement relié à l'âme. Maintenant, la formation, disons, la programmation évolutive des séraphins, tout ce qui fait la personnalité, et je ne parle pas de la personnalité psychologique en fonction du maquillage que tu te mets, ces choses-là, là. On parle de ce qui t'oblige à agir, à penser. La programmation personnelle, la programmation de ta personnalité, elle disparaît lorsque tu pénètres le monde des morts pour être fusionné à des personnalités qui sont mortes, similaires à la tienne. Le double éthérique, c'est une espèce de sarcophage, dans lequel qui a exactement la forme de ta personnalité. Lorsque la personne meurt, son séraphin va être attiré par le monde des morts, et ça on en parle la semaine prochaine, donc on va y revenir plus clairement, mais il peut être attiré par la personnalité qui est similaire à la sienne, il y a donc une affinité vibratoire beaucoup plus haute que le monde des morts, alors il ira se placer, donc se cacher, pendant un laps de temps où on pourra procéder à des mécanismes pour permettre une réincarnation avec une identité personnalisée. Donc, lorsque la personne va revenir, une fois qu'elle aura un double éthérique suffisamment constitué, et lorsqu'elle va revenir, elle va se rappeler. Alors, ce sera un enfant adulte. Le double éthérique, c'est un... Donc, même dans les antiques religions, on dit que l'humain, qu'est-ce qui l'empêche de survivre? L'âme n'est pas immortelle, mais l'âme va être immortalisée quand l'âme va accepter de disparaître. L'âme va être supramentalisée, spiritisée. Pas spiritualisée, oui, mais c'est la même chose. Mais, donc, elle ne disparaît pas, elle est transmutée. Elle est transmutée, elle disparaît en termes d'âme. Si tu recherches l'âme, il n'y a plus d'âme. C'est comme de dire, je cherche l'arbre qu'il y avait ici. L'arbre, il est là. Mais non, ça, c'est une maison. Oui, c'est une maison faite de bois, mais le bois, c'est l'arbre. Alors, il n'y a plus d'arbre. L'arbre a été détruit, oui. Mais le bois existe toujours. L'immortalité, il est déjà là. Comme j'expliquais, c'est que les constituants sont immortels, mais ce qui est constitué ne l'est pas nécessairement. Alors, les constituants du bois sont immortels. Même si on le brûle, ça reste là. Le carbone reste là, tout reste là. Sauf que ce qui est constitué, lui, peut changer de forme. Qu'est-ce que c'est que tu appelles la fusion en termes simples, ou plus simplement possible? La fusion, c'est simplement une amalgamation... Et sans condition de retour de deux états. Cela veut dire que lorsque l'humain se fusionne à son esprit, cela veut dire que l'esprit qui présentement n'a pas le contact réel avec les plans planétaires et que tout ce qui est espritisé dans la matière n'a pas de contact réel avec l'esprit, lorsqu'il y a fusion, cela veut dire qu'il n'y a pas contact, cela veut dire qu'il y a maintenant une chose. Il n'y a plus d'homme, il n'y a plus d'esprit, il y a quelque chose d'autre. Là, il y a une fusion. Quand tu dis que l'homme est dirigé par le monde des morts, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, je veux dire simplement que lorsque l'humain est régi par une conscience qui est mortuaire, une conscience qui est mémorielle, donc qui le désassujettit de la réalité instantanée, cela oblige l'humain à penser. L'humain pensant ressasse des mémoires, alors automatiquement l'humain pense qu'il pense, mais l'humain est obligé de penser selon le monde des morts. Lorsque l'humain a de l'émotion et que l'humain se rappelle d'un événement qu'il a vécu et qu'il aime, mais l'événement n'existe plus, c'est un événement qui est mort. Alors l'humain pense, l'humain veut le revivre, l'humain le revit dans sa tête, c'est-à-dire que l'humain le revit dans le monde des morts. Le monde des morts est actuel, le monde des morts n'est pas dans le passé, il est dans le présent, sauf qu'il conserve l'image de ce qui a été. Et ça n'a rien à voir avec la réalité. L'humain ne peut pas apprendre avec le monde des morts. L'humain vit avec le monde des morts. Et lorsque l'humain meurt, automatiquement il se dirige vers le monde des morts, c'est le monde de sa mémoire. Pourquoi les humains ont-ils... Regarde, pourquoi l'humain meurt-il de cette deuxième mort? Pourquoi l'humain pénètre-t-il le monde des morts? L'humain, il est assis sur sa chaise et là, il se rappelle le bon vieux temps. Mais une fois qu'il n'y aura plus de corps physique, il va se diriger direct dans le bon vieux temps. Le monde des morts, le monde des mémoires, le monde où il voit ce qu'il a aimé, le monde où il voit ce qu'il a joui. Alors automatiquement, il se dirige là. L'humain est tout à fait, son évolution planétaire est tout à fait régie par un monde qui l'empêche, lorsqu'il n'est pas prêt, de pouvoir connaître son esprit, donc de pouvoir connaître sa véritable identité. Alors l'humain voyage d'un monde de vie où il a le contact avec la réalité, mais il ne la voit pas. Il ne voit pas ce contact parce qu'il vit avec une certitude mémoriel. Il vit avec une conscience d'identification qui est tout à fait l'égide même du monde des morts. Lorsque l'humain est dans le monde des morts, il n'y a aucune réalité dans le monde des morts. Le monde des morts n'est pas expérientiel. Le monde des morts est accumulatif. Il n'est pas expérientiel en ce sens que le monde des morts ne soumet pas d'expérience. Le monde des morts accumule l'expérience engendrée par les vivants dans un corps physique. Celui qui a un corps physique peut sentir de nouvelles émotions, peut sentir de nouvelles souffrances. Et plus à chaque fois que ça s'est fait, automatiquement, c'est accumulé par le monde des morts. Mais celui qui est dans le monde des morts, ben, il vit l'état vibratoire qu'il a, mais il ne peut pas expérimenter quoi que ce soit. Ce n'est pas un monde expérientiel, donc ce n'est pas un monde évolutif par lui-même, c'est un monde accumulatif. C'est un Est-ce monde que ça veut dire que le monde des morts, ou l'au-delà, là, ce qu'on appelle l'au-delà, a été créé à même l'énergie de l'homme? Ben, ça va de soi. Ça va de soi que l'humain, le danger lorsqu'une âme, ou lorsqu'un esprit, pas une âme, lorsqu'un esprit vient se terrestrifier, le danger, c'est qu'il prenne goût à la terre, c'est qu'il prenne goût à la matière, c'est qu'il prenne goût à la vie humaine, c'est qu'il prenne goût à l'humain. Et c'est ce qui est arrivé à tout le monde ici. À quoi il doit donc prendre goût si c'est pas à ça? Ben c'est ça, là, il prend goût à ça, évidemment, et automatiquement, il crée un monde où il se rappelle ses bons états, sa belle vie, les bons moments. Et ça, c'est le monde des morts qu'il est en train de constituer. Et lorsqu'il meurt, au lieu de retourner voir son esprit, ben non, il retourne dans le monde des morts, parce que là, vu qu'il n'y a plus de corps, ben au moins là, il y a la mémoire de ce qui s'est passé. Alors, il va sur une voie de garage. Il est stationné là, puis à un moment donné, ben, on le rembarque, puis il recommence. C'est intéressant, ça a beaucoup de bon sens, hein, en tout cas. C'est quoi l'explication de tout ça? À quoi ça sert tout ça? Oui. Bon, ça sert à une chose. Ça sert simplement à permettre la Dieu ou l'esprit est quelque chose qui est actuel, mais qui doit être expérimenté. Ce qui est chiant pour l'humain. Alors Dieu, c'est présent, c'est là, c'est partout, c'est dans le micro ici, là. Vous voyez, là, je le fais pour qu'on le sache à cassette. Bon. C'est présent, c'est partout. Sauf que l'humain doit l'expérimenter. C'est expérientiel pour l'homme, même si c'est actuel cosmiquement. C'est ça qui est problématique. C'est existentiel et expérientiel, ces mécanismes énergétiques. Pourquoi? Simplement pour ceci, c'est que les énergies, lorsqu'elles involuent, s'oublient. Et s'oubliant cosmiquement, ils s'identifient à eux, créant une séparation entre ce qu'ils ont toujours été. C'est comme si ma main s'éloigne trop de moi, elle finit par m'oublier. Et là, elle se crée un monde, elle se crée une vie, elle se crée tout à fait un phénomène, et ça, c'est l'homme sur la planète Terre. Alors, lorsque la main se croit trop merveilleusement parfaite, ben il se trouve qu'il y a des mécanismes mécaniques qui font que le constituant de la main meurt. Alors, le corps physique meurt, puis là, on se ramasse dans le monde des morts. Et là, quand tu reviens, tu te rappelles pas de qui t'as été, t'as pas d'ego, t'as pas d'identification, t'es roi, t'es plus roi, ce qui fait que tu repars. Et ça crée de l'évolution à l'échelle de la planète pour permettre à un moment donné à ce mécanisme planétaire de pouvoir entrer en contact matériellement avec l'esprit sans obliger l'esprit à devenir matière, parce que si l'esprit devient matière, l'esprit n'est plus esprit, il s'oublie. Et là, on recommence ce qu'on appelle la décadence ou quand on parle de l'esprit déchu ou de l'homme déchu. La chute, c'est la ça. La chute. Okay. On recommence la chute. Alors, l'humain a accepté, vous autres, là, ici présents, vous avez tous accepté, vous ne savez pas ça, vous avez oublié ça, de devenir tout à fait débile, de devenir tout à fait humain. Et ça, c'est extrêmement génial et grandiose. Il n'y a pas beaucoup de phénomènes espritiques dans l'univers qui ont accepté ça. L'humain a accepté d'être déchu pour servir d'expérience matérielle au reste de son esprit. Alors l'humain, même si on l'a instruit qu'il était médiocre, c'était pour vous forcer à rester sur la planète. Maintenant que vous êtes bien pogné sur la planète avec le monde des morts qui est suffisamment volumétrique pour pouvoir gober tous ceux qui meurent de leur corps physique, ben là maintenant... Là, il y a l'esprit de l'autre côté du monde des morts, et l'humain est ici, et l'humain a suffisamment d'énergie pour maintenant conscientiser le fait que s'il n'a plus de corps physique, il doit avoir un guide, un phare, une lumière quelque part, qui va lui permettre de contourner le monde des morts, en instance de revenir par le monde des morts, par exemple, revenir dans son corps physique, finaliser son double éthérique. À quoi ça sert tout ça? Ça sert simplement à ceci, c'est que l'esprit, par l'intermédiaire de l'homme, donc Dieu ou les forces créatrices, la création, par l'intermédiaire de l'homme, va être capable d'avoir un contact avec l'atomicité de la matière, donc le plan le plus inférieur dans la vibration de l'esprit, la matière, tout en restant tout à fait lucide cosmiquement de tout ce qui doit être fait. Ce qui va permettre maintenant la résorption de la création. On est un petit peu en quelque sorte comme des grands voyageurs exilés de notre terre natale. Nous, on est les sacrifiés qui se sont sacrifiés et qui avons accepté d'aller visiter les plans les plus éloignés de la création de façon à permettre à ce qu'il y a de plus supérieur dans la création d'avoir un intermédiaire entre la matière et eux, l'homme. Et le fruit de tout cela, alors, c'est la conscience. Le fruit de tout cela pour l'homme. L'esprit conscient dans la matière. Oui, on ne parle pas du plan cosmique. On parle pour l'homme, c'est d'avoir un esprit dans la matière.